Sur les traces de Godzilla, de Christophe Fiat. Godzilla no ato o tadotte, Christophe Fiat saku. Le lycée est désert. On nous attend avec du thé et des biscuits. Personne ne sait quand les cours reprendront. Au Japon, l'année scolaire commence en avril. Les lycéennes arrivent. Aki s'assied à côté de moi et me fait une traduction simultanée. Lors du tremblement de terre, j'étais avec ma mère et ma petite sœur. Nous faisions du shopping et soudain l'alarme s'est déclenchée et il y a eu des secousses. Dans le magasin, tout le monde s'est mis à courir en se précipitant vers la sortie. C'était la panique. On ne pouvait plus tenir debout et on s'est accroupi pour avancer. Les gens criaient, pleuraient, on s'est réfugiés sur une place sous un arrêt de taxi. Les gens affluaient de partout. Nos téléphones ne fonctionnaient plus, nous n'avions plus de réseau. Lors du tremblement de terre, j'étais dans un karaoké. Puis l'alarme de mon portable a sonné. Mais je n'entendais pas très bien à cause de la musique. Nous nous sommes cachés sous une table. Je ne savais pas ce qui arrivait. Ça a duré longtemps. Je me disais, qu'est-ce qu'il est en train de se passer maintenant? Ma copine pleurait, pas moi. J'étais plutôt calme. Je voulais savoir ce qui se passait. Puis j'ai pu regarder la télé sur mon portable. On annonçait qu'il y avait un tsunami, mais ce n'était pas très visible à l'écran. Je ne parvenais pas à joindre ma famille. Alors je me suis dit que si personne ne pouvait venir me chercher, j'allais rentrer à pied. Puis ma mère a pu aller chercher la voiture dans le parking, malgré les policiers qui ont tenté de l'arrêter. Puis il s'est mis à neiger et tout le monde se serrait sous l'abribus. Une fois dans la voiture, nous avons mis la radio. Et j'ai su que le tsunami allait arriver sur nous d'une minute à l'autre. On annonçait que la vague faisait plus de 3 mètres de haut. Je croyais que ce n'était pas un grand tsunami. Puis nous sommes arrivés à la maison et tout était par terre. J'ai regardé la télé et nous avons appris la catastrophe. Puis avec les news de Fukushima Daiichi à la télévision, on s'est dit que c'était peut-être mieux qu'on parte d'ici. Mais comme le patron de mon père disait qu'il devait continuer à travailler, nous sommes restés. Après la première explosion de la centrale, on n'a pas bougé de chez nous. Puis à la troisième explosion, son patron a fermé et libéré tous les employés. Alors nous avons pris la voiture pour aller vers Tochigi. Là, nous avons vécu dans un camp de réfugiés. Merci pour vos précieux témoignages. Je voudrais vous présenter Guy Commerson, un écrivain français. Il voudrait vous poser quelques questions. Je ne sais pas par quoi commencer. Leur témoignage est bouleversant. Il y a un long silence et soudain, une secousse. Tout le monde se regarde, hébété. Personne ne bouge. Puis je me lance. Je suis venu au Japon pour écrire un livre sur Godzilla et j'aimerais savoir si vous connaissez ce monstre. Mes parents m'ont parlé du film. Une fois, je l'ai vu à la télé. Je crois qu'il est radioactif. Puis on rentre à Tokyo. Il est 1h du matin quand je retrouve ma chambre. Il y a une nouvelle secousse. Puis j'exporte l'enregistrement de la respiration de Godzilla sur mon MacBook Pro et je l'écoute au casque. Quelle n'est pas ma surprise quand je découvre qu'il n'y a que le souffle du vent et le roulis de la mer. Aucune trace du monstre. Puis je m'endors en prenant soin de laisser à portée de main mes vêtements, l'ordinateur et mes affaires personnelles, en cas de réplique. Au milieu de la nuit, je suis réveillé par un bruit sourd. Je bondis hors de mon lit croyant que c'est une nouvelle secousse. Je regarde l'heure, il est 3h. Le bruit se répète. C'est quelqu'un qui frappe à ma porte. Je suis rassuré, mais qui ça peut être? J'ouvre doucement et me trouve face à Momoko. Excusez-moi de vous déranger à cette heure, mais je voudrais vous emmener quelque part. Voulez-vous m'accompagner? Un taxi nous attend. Un instant, je m'habille. Je vous attends dehors. Où allons-nous? Prenez votre appareil photo. Nous allons au département H. Il faut faire vite. Ça ferme dans une heure. Vous êtes parti vite cet après-midi. Nous nous étions tout dit. Les Japonaises sont discrètes, invisibles parfois. Ça signifie quoi ce logo sur votre t-shirt? Strong Spirit, Rebuild Japan. Ce sont les esprits dont je vous ai parlé à Iwaki. J'ai vu les mêmes t-shirts à Shinjuku. Une partie de vente est reversée aux sinistrés. Vous avez perdu un être cher le 11 mars. Pourquoi me demandez-vous cela? Je n'ai pas arrêté d'y penser en écoutant les lycéennes d'Iwaki. Je me disais, peut-être qu'elle a perdu quelqu'un qu'elle aimait. Non. Vous avez écouté votre enregistrement ce soir? Oui, mais je n'ai pas reconnu la respiration du monstre. Quand vous m'avez dit que vous l'entendiez, vous aussi, vous étiez sérieuse? Bien sûr, j'étais sérieuse. Vous êtes déçue de n'avoir aucune trace? Je suis au Japon pour 3 semaines. J'ai le temps de faire d'autres découvertes. Vous ne croyez pas si bien dire. Ça y est, on arrive. ゴジラの後をたどってクリストフ・フィアット作Sur les traces de Godzilla de Christophe Fiat. Avec Mohamed Rouabi, Seiji Tanaka, Junko Murakami, Kazue Maton, Yumi Fujimori. Équipe de réalisation Olivier Dupré, Mathieu Perrault, Viviane Demeyer, Jack Taroni.